Ouais, ce qui ouais, chef K, tranquillo, c'est quoi là... C'est clairement. Ouais, juste le rap, il fait... Voilà, c'est un sale délire. Dit, trop d'hypocrite. Ouais. Ouais, j'ai écouté ta phase, tu disais. Man, je la baiserai même quand elle a ses règles. Ah, je la baise, je la rebaise. Hein. Ouais, mon frère. C'est à la ses règles, là, je non, mais c'est le rap, là, il part en couille. Ouais, y'en a marre, vas-y. Y'a le monde qui nous baise trop. Écoute-moi bien. Y'a des limites à ne pas franchir. Et quand tu me souris, fais-le dans la franchise, frère. Certains diront, est-ce qu'un mec bien tranquille comme mon rap? Il devient quand il entre en piste. Sueur froide quand il en transpire. C'est mon encre qui s'arrêtera de couler avant mes 30 piges. Trop voudrait me voir couler. Trop voudrait me voir le bec cloué. La poitrine d'une balle trouée. La foi prise, ça vient du cœur. N'oublie jamais qu'un morceau, c'est pas juste savoir aligner deux trois rimes. Bah ouais, le rap a pris des rimes, a pris des risques. Après 30 ans, crois-tu que c'est tout ce qu'il mérite? Ta cagoule, c'est pas à moi que ça a fait rire. C'est comme kiffer, regarder la petite maison dans la prairie. Ok, les bactéries s'installent. Camini, t'es bien sympa, mais tes gamineries à Paris, on s'en bat. Moi j'ai les couilles pleines, je baisserai pas mon frein pour plaire. Mes pros honorent le rap dans tous mes couplets. Nous on a le tout plein, c'est de là que tout bat. N'en doute pas, mon rap finira pas dans un cul-de-sac. Moi j'ai les couilles pleines, je baisserai pas mon froc pour plaire. Mes pros honorent le rap dans tous mes couplets. Nous on a le tout plein, c'est de là que tout bat. N'en doute pas, mon rap finira pas dans un cul-de-sac. Ristex, comme je parle au fils de pute que j'aime pas. Passe le JP, je te kick ça même sur du genre. J'écris ce texte entre haine et tristesse. Enfin on se respecte, suspect dans le business, on suce pas. J'ai les bises, je rentre cagoulé chez les pissiers. Mon rap c'est un drive-by au moment où t'es parti pisser. Tous les matins je me lève avec l'envie tout fuck. Une haleine de fuck et le barreau dans le froc. Donne-moi 10 sacs, un sky du sec. Et tu sais qu'au micro je te fais le freestyle du siècle. Un 16 mesures dans le bac, un carjacking dans le parking. Je fuck la pack et c'est PD Tribal King. Qui sert choc, normal, y'a les locks de Doc Gynéco sous mes Nike Air Shock. T'es noir, mais à l'intérieur t'es blanc comme un bounty. Tu manges tellement de carottes qu'on t'appelle Bugs Bunny. Moi j'ai les couilles pleines, je baisserai pas mon froc pour plaire. Mes pros honorent le rap dans tous mes couplets. Nous on a le tout neuf, c'est de là que tout bat. N'en doute pas, mon rap finira pas dans un cul-de-sac. Moi j'ai les couilles pleines, je baisserai pas mon froc pour plaire. Mes pros honorent le rap dans tous mes couplets. Nous on a le tout neuf, c'est de là que tout bat. N'en doute pas, mon rap finira pas dans un cul-de-sac. Une fois de plus, le rap a pu compter sur moi. Plus de place, un pour le patrimoine. Mais fait divers, ok. Qui sert, t'inquiète, ça vient du cœur pour se réunir. On n'a pas besoin de Michel Drucker. Sortez les briquettes, allumez les flammes. J'rappe pour un frère, j'ai pas pour but d'être une célébrité. Légion urbaine, légion urbaine. J'ai pas pour but d'être une célébrité. Mon son dit trop, j'mène pas une vie drôle. J'rêve de balancer tous ces fachos de vitrolles dans le titre. Depuis mes débuts, j'ai envie de marquer des buts. Car tu sais, notre rap sort du cœur, mais aussi des buts. Divers sont mes faits, vénères sont mes frères. Plus rien nous freine, vu qu'on est frais et qu'on est frais. On a la rime sale, c'est Paris Sud, Saga Fit qui sert. Rime coupée à la Risa. Moi j'ai les couilles pleines, je baisserai pas mon froc pour plaire. Mes pros honorent le rap dans tous mes couplets. Nous on a le tout neuf, c'est de là que tout bat. N'en doute pas, mon rap finira pas dans un cul-de-sac. Moi j'ai les couilles pleines, je baisserai pas mon froc pour plaire. Mes pros honorent le rap dans tous mes couplets. Nous on a le tout neuf, c'est de là que tout bat. N'en doute pas, mon rap finira pas dans un cul-de-sac. Moi j'ai les couilles pleines, je baisserai pas mon froc pour plaire. Mes pros honorent le rap dans tous mes couplets. Nous on a le tout neuf, c'est de là que tout bat. N'en doute pas, mon rap finira pas dans un cul-de-sac. Moi j'ai les couilles pleines, je baisserai pas mon froc pour plaire. Mes pros honorent le rap dans tous mes couplets. Nous on a le tout neuf, c'est de là que tout bat. N'en doute pas, mon rap finira pas dans un cul-de-sac. Yeah, ton rap, toi, ça dit quoi? Ton rap, il arrive en force, t'inquiète. Débarquement du 91, mais fait divers. Ouais, hein? Ouais, t'inquiète. Divers, ça arrive quand? Moi, j'attends ça, frère. 2007, mon pote, au moment des élections, t'inquiète. On va faire trembler ce pays, mon pote. Et toi, FK, alors, on dit quoi? Ah, moi, mon rap est un drame, mon pote. Ah, ça va bien, c'est pour papa, mon papa. Vas-y, on se check, on se check. Ouais, j'ai rendez-vous avec Mazou, frère. Ok, mon pote, porte-toi bien. Normal, yes.